Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Homme de grande culture, auteur de nombreux ouvrages, doté d'un sens de l'humour et de la répartie ravageur, pour toujours le plus célèbre cheveu sur la langue de la République, Edgar Faure fut un homme politique comme on en fait et comme on n'en fera plus. Brillant, en son temps à 21 ans le plus jeune avocat de France, il était venu tardivement à la politique où il navigua habilement en son centre pendant une quarantaine d'années en sachant toujours se rendre incontournable. Moult fois à la tête de ministères importants de la 4e et de la 5e, deux fois président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, on connaît l'une des célèbres formules dont il n'était pas avare « Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent ». En 1971, invité de l'émission Les mots-clés, Edgar Faure faisait profiter les auditeurs de son esprit et de la pointe d'accent biterrois qu'il avait su garder en réagissant au nom commun ou propre que lui soumettait Pierre Lost. Au hasard, marxisme, lecture, poésie, rêve, bonheur, cybernétique, radio, dieu, politique. L'occasion de l'entendre parler des figures historiques dont il croisa la route, de Gaulle, Néron, Mao Tse-Tung, de découvrir qu'Edgar Faure marcha un temps au Maxiton et de se souvenir aussi qu'il signa quelques romans policiers. Les mots-clés avec Edgar Faure, une émission diffusée la première fois le 18 janvier 1971 sur France Culture. Monsieur le Président, lorsque je prononce devant vous le mot Béziers, qu'est-ce que ça déclenche immédiatement en vous ? La vue d'une ville de province, qui est la première sur laquelle s'est ouvert mon regard, mais que peut-être par les artifices de la construction de mémoire, j'identifie avec cette scène du balcon, ce plateau des poètes que j'ai évoqué dans mon livre. Le piano. Ben le piano, je vois d'abord un piano droit. Je ne vois pas un piano à queue, parce que dans notre famille, on avait des pianos droits. Ce n'est quand ma sœur était au conservatoire que nous avons découvert le piano à queue, sous la forme d'ailleurs du crapaud, du quart de queue. Donc dans mon imagination, je vois un instrument droit assez rébarbatif. Je disais toujours que j'aimais la musique, mais qu'au fond, j'aurais préféré qu'on me fasse apprendre un autre instrument, tel que le saxophone peut-être. Ça, c'était fantaisiste, mais enfin, mettons le violon, plutôt que le piano, qui a l'avantage de pouvoir être joué assez facilement dans tous les endroits où il y en a, à ce moment-là, il y en avait beaucoup, mais qui est même un instrument un peu lourd. C'est la musique avec quelque chose d'un peu dogmatique et d'un peu scolaire. Voilà ce que représente pour moi le piano. Le marxisme. Ben, le marxisme est une école de pensée qui se recommande de Karl Marx, d'Engels et dans l'application de Lénine. Et dont Staline a d'ailleurs été un assez bon interprète, non pas dans son action, mais dans ses écrits. Alors, Mao, c'est un peu différent. Naturellement, le marxisme évoque l'idée de Mao, mais il y a une plus grande déviation, dérivation en tout cas. Le hasard. Le hasard. Le hasard, c'est au fond ce que on n'a pas encore la possibilité d'éliminer parce qu'on n'a pas arrivé à une maîtrise suffisante du calcul des probabilités. L'opposition. L'opposition. C'est le fait de ne pas être dans le gouvernement et en principe de le combattre. La solitude. Oui, la solitude. Qu'est-ce que vous voulez dire de la solitude? Justement, c'est ce qui ne peut pas s'exprimer avec les autres. Le golf. Il y a longtemps que je n'ai pas joué au golf. Je m'y suis exercé un petit peu. Je trouvais ce sport très sympathique, agréable, surtout à cause du caractère riant des paysages représentés par les links, avec souvent des petites collines, des vallonnements, les bunkers, et une certaine conception d'un sport élégant que je considérais comme facile avant de l'avoir pratiqué, et qui s'allie dans mon esprit à l'idée de la distinction anglaise et du roman policier. La lecture. La lecture est pour moi une occupation à peu près permanente. Il est très rare que je n'aie pas mes yeux fixés sur quelque chose qui se lit. Et cela depuis ma première enfance. J'ai une sorte de tropisme visuel qui fait que dès que je vois quelque chose d'écrit, je porte mon regard dessus. Au risque d'être indiscret, ce n'est pas du tout une volonté d'indiscrétion, mais si je vois quelqu'un en train de lire une lettre, je ne peux pas m'empêcher de porter mon regard là-dessus. Quand j'étais très jeune enfant, j'accompagnais mon grand-père à la banque. Il est à la banque, n'est-ce pas, comme on dit dans le midi. Et je lisais les prospectus du Crédit Lyonnais, et je lisais absolument tout ce qui est... J'ai une sorte de boulimie lexique, si je puis dire. Le mariage. Le mariage, c'est le couple, celui que je crois avoir réussi. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, je ne peux pas en parler très rapidement, car j'ai écrit à son sujet un assez grand nombre de pages. Nous mettrons que c'est le type du grand homme incarnateur de l'histoire et se jugeant d'ailleurs tel. La superstition. La superstition, moi j'aime bien la superstition. Je crois que je suis superstition, en réalité je ne le suis pas. C'est plutôt une affectation, donc je n'attache pas une très grande importance. Par exemple, si on dit qu'il faut toucher du bois, si je dis quelque chose qui peut être inquiétant, aussitôt je touche du bois, mais si je ne trouve pas de bois, je touche quelque chose qui ressemble à du bois, je ne peux pas dire que j'attache une grande importance. La société de consommation. La société de consommation, en réalité, pour simplifier, dans sa vue critique, dans la vue critique qu'on en a, c'est la société de saturation. Donc le fait de consommer des automobiles en soi n'est pas critique, mais le fait d'avoir trop d'automobiles dans un endroit où on ne peut pas les contenir, c'est la société de saturation. Voilà l'aspect négatif, en somme. Comme quand on dit société de consommation, c'est en général dans un sens critique et négatif, alors on doit dire société de saturation. Botticelli. Botticelli, c'est Sandro Di Mariano, parce que le souvenir que cela évoque immédiatement dans mon esprit, c'est la manie qu'avait Proust de dire ou de faire dire à ses personnages à plusieurs reprises qu'on ne disait plus Botticelli, mais qu'on disait Sandro Di Mariano. C'était dans les snobs qui disaient cela, mais pour montrer avec ce grand peintre une certaine intimité. Je dois vous dire que c'est un de mes peintres favoris. Ce que j'admire le plus, c'est que je le sens le plus. Marcuse. Marcuse est un auteur intéressant. C'est le seul, à ma connaissance, qui a eu vraiment le courage et la franchise de développer la théorie du refus, allant jusqu'au refus de l'expansion. Pas seulement le refus du capitalisme, mais le refus de l'expansion. Pratiquement, ça revient peut-être un peu au même, mais enfin, théoriquement, il est allé jusqu'à la définition du refus de l'expansion. Mais sa thèse n'est pas très argumentée, elle n'est pas très solide, c'est une sorte de remise à la mode, d'un peu de fourriérisme poétique et utopique, d'un peu de blanquisme, d'un peu d'anarchisme. C'est en réalité un plat très réchauffé. Le pandit Nérou. Oui, j'ai eu beaucoup de sympathie et de considération pour le pandit Nérou. Il m'honorait d'une certaine bienveillance, on peut dire, de ce qu'on appelle l'amitié quand on n'y met pas une nuance trop intime. Je l'avais rencontré plusieurs fois. Quand il venait à Paris, il demandait toujours que je fusse convié parmi les personnes qu'il voyait, ou au cours d'une réception, ou au cours d'un entretien privé. Et il nous a invités d'ailleurs en Inde, où nous avons eu l'occasion de lui parler plus longuement. Notamment, j'avais été chargé à ce moment-là par les gouvernants chinois de lui expliquer personnellement leur propre point de vue après les difficultés qu'ils avaient eues entre leurs pays. Mon premier souvenir concernant le pandit Nérou est d'ailleurs associé à l'aérodrome d'Orly au gouvernement Mendès France dont je faisais partie. J'étais pour quelques jours seulement d'ailleurs ministre des Affaires étrangères car je venais de quitter le ministère des Finances pour le Quai d'Orsay, où je ne suis pas resté longtemps, le ministère étant tombé. Nérou devait s'arrêter à Paris, mais il n'avait pas le temps de venir jusqu'à Paris. Il faisait donc l'escale de Paris à Orly, il y restait une heure ou une heure et demie. Il avait été convenu que Mendès France irait le saluer à l'aérodrome pour s'entretenir avec lui. Il m'amena avec lui, puisque j'étais ministre des Affaires étrangères. Et nous parlâmes ainsi, avec le pandit Nehru. Le pandit Nehru était dans sa tenue nationale, et il portait, ce qui était son habitude d'ailleurs, un stick. Vous savez que les Indiens ont gardé cette habitude du temps des officiers anglais. Et quand il nous a quittés, il a donné ce stick comme souvenir à Mendès France. Et Mendès, dans la voiture, m'a dit « Edgar, prends donc ce stick, il te revient puisque tu es ministre des Affaires étrangères. » J'ai donc pris le stick du pandit Nehru et je l'ai toujours. Il est sur la table du bureau de ma femme. Le roman policier. Le roman policier, je l'ai découvert pas tellement tôt, d'ailleurs, pas tellement tôt. Car quand j'étais au lycée, je ne lisais pas de roman policier. Il n'y avait pas de mode de roman policier. Ou alors c'était sous une forme de roman populaire qui me paraissait une littérature exécrable, trop mal écrite, indigne de mon standing intellectuel, si je puis ainsi m'exprimer. Donc la curiosité d'événements que j'avais, je la cherchais plutôt à l'apaiser par la lecture de romans romanesques ou de beaucoup de livres d'histoire. J'aimais l'histoire et je l'aimais comme intrigue. Je voulais savoir ce qui allait se passer. J'aimais le roman vécu de l'histoire. C'est en somme un peu plus tard, peut-être vers la fin de mes études de licence en droit, que je lisais quelquefois davantage du Conan Doyle ou de l'Arsène Lupin quand je voulais me détendre pendant mes vacances dans l'Ariège. Jusqu'au moment où Albert Pigas a fondé sa collection Le Masque, où un de mes camarades, qui adorait lui la littérature, pas d'un niveau tellement élevé, a découvert cette collection, m'a fait lire le premier, qui était Le Meurtre de Roger Ackroyd, et même je crois que j'ai lu d'abord le second, beaucoup moins connu et beaucoup moins bon, mais dont j'ai gardé le titre dans la mémoire, L'Arrestation de Jack Yemmerd. J'ai trouvé ces romans passionnants, et d'autre part, ils échappaient à la critique, à la mauvaise opinion que j'avais de la littérature dite populaire, en ce sens que, sans avoir de prétention littéraire, c'était des romans convenablement écrits dans leur propre langue par les auteurs, comme on peut s'en rendre compte en lisant dans la langue, et en général convenablement traduit, qui ne heurtait pas la délicatesse du goût. D'autre part, qui n'était pas tout de même un ramassis d'invraisemblance ou de stupidité, qui posait des énigmes, dont j'aimais bien l'atmosphère très caractéristique. Vous savez, le manoir avec le butler, n'est-ce pas, le superintendant, et puis la vieille fille, le vicaire. Enfin, j'aimais bien surtout le roman policier anglais. De là, j'ai essayé de m'exercer moi-même dans ce genre. J'ai écrit plusieurs romans policiers qui ont une caractéristique commune, mais il ne faut pas le dire au lecteur car il pourrait être déçu, c'est que dans aucun il n'y a de crime, c'est toujours un faux crime. Dans le premier, il y a une extraordinaire combinaison, je voudrais que c'est un massacre, mais il n'y a que suicide et une série d'accidents. Dans le second, il y a un suicide, et dans le troisième, il n'y a rien du tout. C'est une histoire un peu fantaisiste, que certains considèrent comme une fumisterie, si je puis dire. Ou c'est un conte sur le tabac, n'est-ce pas? On laisse entendre que quelqu'un a trouvé une marque de cigarette telle qu'un offrant ses cigarettes à ses interlocuteurs, il les met dans un état d'esprit réceptif. Et le problème se trouve, il rencontre sa limite quand il est avec des non-fumeurs. Mais il essaie quand même de les impressionner en fumant lui. Mais dans un cas extrêmement important, il rencontre quelqu'un qui ne fume pas, qui ne peut pas supporter qu'on fume en sa présence. Alors il est absolument coupé de ses moyens jusqu'au moment où il trouve une voie indirecte par l'intermédiaire d'une femme. Et alors là, tout s'effondre, mais on ne sait pas comment, parce que j'ai coupé le roman d'une façon assez brusque. Depuis, je n'ai plus écrit de romans policiers. J'en ai encore un ou deux dans mes tiroirs qui n'ont jamais été publiés et qui ne le seront pas. J'en lis beaucoup. J'en lis beaucoup. Le soleil. Ah, le soleil. Le soleil, c'est un élément mystique dans la vie, n'est-ce pas? Non seulement parce qu'on aime se trouver au soleil, mais parce que, étant historien, je n'ignore pas le rôle qu'il joue dans beaucoup de religions, notamment dans le culte mithriasique. Et j'ai d'ailleurs, je crois, étant du signe du lion, j'ai en plus un ascendant soleil. Je ne sais pas comment on emploie cette expression. Enfin, le soleil joue un rôle dans cette affaire. Donc, je ne suis pas un ennemi du soleil, mais je l'envisage à la fois sous son aspect physique, si je puis dire, et sous son aspect mystique, littéraire. littéraire, si bien exprimé d'ailleurs dans le Narcisse de Valéry, vous savez, où s'égare celui qui maudit le soleil. Turgot, j'ai été conduit à ce sujet d'une façon en réalité tout à fait fortuite. Le problème s'est présenté de manière suivante. Après mon départ du gouvernement en 1952, je suis resté un moment en dehors de l'activité ministérielle. Pas très longtemps d'ailleurs, puisque je suis revenu en 1953. Et je me suis dit, tiens, il est de bon ton de s'occuper, quand on n'est pas dans le gouvernement, d'un travail de l'esprit. Je me rappelais l'exemple donné par Édouard Herriot, qui écrivait des livres historiques. Et je m'intéressais beaucoup à l'histoire, quoique je n'eusse pas encore terminé la carrière qui devait me conduire à ma chaire, mais j'avais toujours été très intéressé par l'histoire, notamment connaissant bien les finances après mon séjour au ministère. Je pensais que j'étais qualifié pour faire des études d'histoire économique et financière. Je cherchais un sujet. J'avais pensé à divers personnages, et pas d'ailleurs à Turgot. J'ai écrit à ce moment-là une petite étude sur Necker, qui est publiée dans la revue Politique et Parlementaire et dans Historia. Au cours de ces recherches, j'avais rencontré M. Gérard Walter, qui travaillait à la Bibliothèque nationale, qui est un spécialiste de la Révolution française. En d'autres cas, d'ailleurs, il a écrit beaucoup d'ouvrages historiques. Dans ma seconde retraite, parce qu'entre-temps, je suis revenu au ministère des Finances, puis à la présidence du Conseil. Dans ma seconde retraite, M. Walter est venu me trouver et m'a dit « Eh bien, M. Faure, vous avez maintenant du temps, vous pourriez reprendre vos projets d'écrire un livre d'histoire. » Or, il se trouve que je dirige pour la collection, une collection chez Gallimard, une nouvelle collection, quelque chose que je crois intéressant. Nous avons choisi 30 dates qui dominent l'histoire de France, c'est en quelque sorte comme des crêtes entre lesquelles vous tracez la ligne des cimes. Autour de ces 30 dates, vous racontez ce qui se passe avant, après, autour, et vous avez une histoire de France polarisée sur 30 journées, 30 dates. Mais naturellement, il ne s'agit pas uniquement de décrire cette journée. Or, il avait fait un plan assez bon, Walter, assez intéressant. D'ailleurs, cette collection est complètement parue aujourd'hui. Et il m'a dit, je vous ai réservé le choix entre les deux livres qui seront consacrés à des événements principalement économiques. L'un, c'est l'émeute de la rue Vivienne et la banqueroute de l'Or ou l'As, puisque les deux prononciations sont adoptées. L'autre, c'est la disgrâce de Turgot et l'agonie de la monarchie. La disgrâce de Turgot fixée par sa date en mai 1776. J'ai hésité. J'étais très tenté par le sujet relatif à l'Or ou l'As. C'est un personnage étonnant. Le côté romanesque était beaucoup plus appuyé. Mais comme j'ai tout de même certaines habitudes des études historiques, je savais que ce sujet avait été très approfondi. Et que notamment un historien belge des institutions du nom de Arsin, que je rencontrais dans la Société d'histoire du droit et dans des congrès, avait vraiment creusé les sillons de la gestion de l'Ars. Il avait étudié toute cette période à fond. Du point de vue événementiel, anecdotique, spectaculaire, toutes ces affaires de la rue Vivienne, de la rue Quincampoix, le Bossu qui a fait le sujet du Petit Parisien, tout ça c'est tout de même archi connu. Et puis il y avait un autre élément, il y a une considération qui a joué dans mon esprit, je le dis d'ailleurs très franchement, il y a toujours un certain rapprochement dans l'esprit du public entre un écrivain et un sujet, un biographe et le héros de la biographie. Or, Law est tout de même un homme qui avait mal fini, qui a mal tourné, qui était un illusionniste, et j'ai résumé mon opinion en disant, pour un ministre des Finances, puisque le public me voit comme ministre des Finances, il vaut mieux que mon nom appelle l'idée d'une disgrâce que celle d'une banqueroute. Donc, pour ces raisons, je me suis lancé dans Turgot, et je me suis plongé tout d'abord, comme il faut le faire, c'est ce que nous apprenons dans notre métier, dans les textes. Il y a heureusement un érudit qui a consacré sa vie à publier Turgot. Il a retrouvé à peu près tous ses papiers. Il en a publié 5 tomes énormes, que j'ai pu compléter évidemment par quelques sources manuscrites, mais il en est très peu ou inédites. Et j'ai commencé à entrer dans l'histoire de cette expérience de Turgot, à approfondir ce personnage, qui est d'ailleurs extrêmement séduisant, extrêmement attachant et merveilleux. Au début, je croyais que c'était un homme froid, il me faisait penser un peu au piano, si vous voulez, n'est-ce pas ? Un peu scolaire, un peu dogmatique, mais je me suis beaucoup attaché à lui, notamment, vous le verrez, à travers... Parce qu'en dehors de mon livre sur la disgrâce de Turgot, qui est assez important par son volume, et dont je puis dire qu'il a reçu un bon accueil de toute la critique, même des savants. Il a d'ailleurs été réédité spécialement par certaines collections, comme l'un des 15 meilleurs livres d'histoire. En dehors de cela, j'ai publié plusieurs articles très approfondis dans des revues spécialisées, la revue d'histoire du droit, la revue d'histoire économique et sociale, sur d'autres questions, les théories économiques de Turgot, la période de sa gestion de l'intendance du Limousin. J'ai notamment découvert, je puis le dire, parce qu'aucun économiste n'avait remarqué, une théorie de Turgot assez peu connue, qui n'existe que dans un résumé d'une de ses lettres, et que j'ai appelée la parabole de Turgot. Récemment encore, d'ailleurs, à l'occasion du jubilé de mon oncle Julien Quint, j'ai voulu participer à l'œuvre, au livre qu'on offre dans ce cas-là au jubilaire, et j'ai écrit une petite étude sur la correspondance de Turgot et de la duchesse d'Anville sous le titre « Une affinité singulière ». Stendhal. Eh bien, vous tombez juste, je suis un amateur de Stendhal. J'ai découvert Stendhal avec une extraordinaire admiration. Et d'abord pour son style. Son style très précis, plein de reflets métalliques qui ne cherche pas, style très peu oratoire. On pourrait même dire sur ce point un peu différent du mien, mais que j'aime énormément. Cette dureté compréhensive, lucide en même temps, j'ai beaucoup aimé, naturellement, Le Rouge et le Noir, qui est le premier livre que j'ai lu de Stendhal, et ensuite j'ai beaucoup aimé La Chartreuse de Parme. Je me rappelle, je lisais La Chartreuse de Parme, j'étais déjà étudiant, je ne l'avais pas lu auparavant, mais j'étais étudiant très jeune, j'avais 16 ans. Et un de mes amis, d'origine russe, me recevait chez lui et faisait faire mon portrait par sa femme, qui est peintre. J'ai toujours ses amis, mais ils habitent New York. Et pour me faire tenir la pose, il me lisait des passages de La Chartreuse de Parme. Il me disait, comme c'est ennuyeux, il n'y en a que des dimensions, des murs de la forteresse. Et je lui disais, tu n'y connais rien, Ranus et Ernest IV, la Sanseverina. J'ai lu par la suite à peu près tout ce qui est publié, je crois, de Stendhal, et un certain nombre d'études de Stendhal, et du bellisme d'ailleurs, comme disaient Blum et Martineau. C'est un auteur pour qui j'ai beaucoup de goût, et ce goût d'ailleurs m'a porté à apprécier, j'étais parmi les premiers qui l'apprécièrent, quand il avait peu de lecteurs, un écrivain qui n'a eu qu'une gloire assez tardive et qui est Paul Léoto, dont le style est très stendhalien. Et la conception d'ailleurs de Léoto est une conception très stendhalienne. C'est en somme Stendhal qui m'a amené à apprécier Léoto. Mao Tse-tung. Ah, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, je ne l'ai vu que deux fois dans ma vie. Évidemment assez longuement, mais avec le temps perdu par la traduction. Mais Mao Tse-tung m'a fait l'effet, quand je l'ai vu, d'un homme un peu ecclésiastique. Il a l'onction de l'homme d'église, la gravité, un parler recueilli, l'habitude de s'exprimer assez brièvement et par des apophthegmes, en quelque sorte, des vues qui ne sont pas dans sa pensée susceptibles d'être controversées. En dehors de cela, je le connais par ses œuvres, qui sont d'ailleurs d'une lecture souvent un peu fastidieuse, disons-le, pour des étrangers. Parce que des hommes d'État comme lui, dans leurs œuvres, se soucient d'expliquer les choses à leurs militants, de leur faire bien comprendre. Et pour parvenir à ce résultat, en général, ils sont longs. C'est la même observation qu'on peut faire d'ailleurs au sujet de Lénine. Ils sont longs et ils n'emploient pas un style très précieux. Mais j'ai davantage apprécié Mao dans ses poèmes, parce qu'ils sont plus courts. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs un de ses poèmes, dont j'ai tiré le titre de mon livre, Le serpent et la tortue. Le serpent et la tortue, Mao regarde le fleuve, c'est ce fleuve immense, le Yangtze-Tiang, fleuve qui a toujours joué un rôle énorme dans l'histoire chinoise et dans l'histoire de Mao Tse-tung. Encore récemment, enfin il y a déjà quelque temps, il y a une dizaine d'années au moins, à une période où l'on avait dit que Mao Tse-tung était malade, fatigué, comme on le dit de temps en temps d'un homme d'État, surtout quand il n'est plus très jeune, pour montrer qu'il était en pleine forme, et en même temps, pour donner un exemple sportif à la jeunesse chinoise, il arrive sur les bords du Yangtze-Kiang, il dit, ben on est là, on va de l'autre côté. Alors il se met à l'eau, il traverse le fleuve qui devait avoir 6 ou 7 kilomètres de large à cet endroit-là, peut-être un peu moins, mais enfin, c'est tout de même pas mal, et je n'en ferai probablement pas autant. À ce moment-là, il écrit un poème. Il redevient poète, d'ailleurs, dans une petite série de poèmes qui sont des poèmes de la période récente, qui ne sont pas ses poèmes d'avant-guerre. Et dans ce poème, il dit qu'il y a toujours là le serpent et la tortue. Le serpent et la tortue, l'esprit imagé du chinois, avait déguisé de ses noms, baptisé de ses noms, deux petits promontoires qui correspondent à deux villes qui se trouvent de chaque côté de cette grande rivière. Et il dit « Le serpent et la tortue se regardent éternellement ». Mais l'idée du poème est la suivante. Le serpent et la tortue, ils vont avoir une surprise. Parce que cette grande rivière, le Yangtze-Kiang, jadis coupait la Chine en deux pays qui n'avaient, pour ainsi dire, aucune communication. Et maintenant, cela c'est fini. Grâce au progrès, nous allons maintenant jeter un pont. Et plus tard, les hommes passeront sur ce pont. Et ils ne pourront même plus se souvenir que jadis, là où sera ce pont, il y avait un abîme infranchissable. Et j'avais trouvé que cette idée était très belle. Un pont sera jeté entre le serpent et la tortue. Ils ne se regarderont plus comme, si je puis dire, des chiens de faïence. Et les hommes oublieront même ce qui les avait tellement séparés, tellement divisés. La vérité historique. La vérité historique, c'est la vérité. C'est la vérité tout court. L'historien essaie de la retrouver et naturellement, il ne peut pas toujours y arriver d'une façon absolue puisqu'il est obligé de travailler sur une matière où la documentation ne peut jamais être complète. La vérité historique, moi, je l'ai surtout appréciée dans un domaine où elle est assez difficile. Non pas qu'elle soit obscurcie par les passions, mais à cause du manque de sources. Et je vais vous expliquer, d'ailleurs, bien que ce ne soit peut-être pas l'objet direct de votre question, les conclusions assez intéressantes que j'en ai tirées, ayant fait dans ma vie beaucoup de droits de l'Antiquité, notamment du droit romain. Quand nous étudions des institutions de l'Antiquité, nous les étudions à travers des éléments imparfaits et qui ne seront jamais complétés. On ne peut pas découvrir de manuscrits parce qu'il n'y en avait pas. On peut encore découvrir, évidemment, des inscriptions. On peut découvrir des tablettes, si vous voulez. Tout le temps, on en découvre. Mais ça n'ira jamais très loin. C'est une époque où il n'y avait pas le journal officiel, où il n'y avait pas les journaux, où il n'y avait pas énormément de livres qui restent comme témoignages d'une époque. Donc, souvent, nous nous plaçons devant une énigme. Et pour résoudre cette énigme, nous avons deux lignes sur une inscription, trois lignes sur un manuscrit. Nous avons la vraisemblance historique. Nous avons l'étude des mots, n'est-ce pas ? Il faut voir comme nous faisons flèche de tout bois. Si dans un livre, par exemple, vous dites Divus à propos d'un tel, le divin empereur, ça prouve qu'il est mort. Si vous dites Noster, ça prouve qu'il est vivant. Donc, vous pouvez arriver à des effets de date. Nous procédons donc par induction, par la méthode inductive, ou par extrapolation, si je puis dire. Si vous avez affaire à une période plus récente, comme la période de Turgot, vous pouvez avoir beaucoup plus de sources. Vous n'en avez pas autant qu'aujourd'hui, cependant. Il n'y a pas autant d'indiscrétions qui sont faites à la date même. Il faut alors être beaucoup plus critique, d'ailleurs, parce que autant la source épigraphique est en général assez solide. Elle ne dit peut-être pas la vérité des choses, mais elle dit ce que pensait la personne qui l'a faite. Autant dans les mémoires, les faux mémoires, les pamphlets que vous avez dans une période plus récente, comme le 18e ou 19e siècle, il y a plus de difficulté à établir une critique, alors une critique de valeur et non pas une critique de textualité. Mais ce que je voulais surtout vous indiquer, c'est l'utilité qu'a pour la politique présente, si je veux la compréhension de la vie présente, une formation d'historien de l'Antiquité. Puisque j'avais fait ces études, et quand j'ai enseigné pendant 4 ans à Dijon, je faisais le cours d'histoire des droits d'Antiquité en doctorat, qui est évidemment un peu un cours d'érudition. Or, voilà quelle était ma remarque, qui, je crois, n'a pas été souvent faite. Quand nous étudions des pays actuels, comme la Russie et comme la Chine, nous nous trouvons un peu dans la situation où nous nous trouvons comme historiens en train d'étudier la période de Constantin ou la période de Sénèque ou la période de Jules César et nous disposons, ou à plus forte raison une période plus ancienne, et nous disposons d'un nombre limité de textes. Nous sommes obligés de partir de ce qu'on nous dit pour deviner ce qu'on ne nous dit pas, pour en établir des conséquences logiques. Et cela m'a beaucoup aidé, je dois dire, dans mes relations avec des hommes comme les dirigeants soviétiques ou les dirigeants chinois. Quand vous lisez un journal russe, par exemple, nous, Français, nous nous intéressons à savoir ce qu'on y dit. Et ce journal peut nous paraître extrêmement fastidieux. Mais si nous l'étudions d'un point de vue scientifique, comme nous savons que la presse n'est pas libre en Russie, elle n'est pas comme en France, ce n'est pas tellement ce qu'on y dit qui est important, mais c'est l'emplacement où se trouvent les articles, c'est la répétition des sujets. Si vous voyez par exemple que plusieurs jours de suite, les ménagères de tel quartier, puis les ouvriers de telle usine, et puis les matelots de tel port, et puis les malades de tel hôpital se réunissent jour après jour pour dire qu'ils sont absolument scandalisés de telle ou telle action de la politique internationale, alors vous savez que le gouvernement soviétique prépare son opinion à une initiative dans ce domaine. Voilà une digression que j'ai faite au sujet de la vérité historique. Parce que la recherche de la vérité en histoire peut être soumise à peu près aux mêmes règles que la recherche de la vérité dans l'actualité. L'humour. L'humour, vous savez, mon roi disait que c'est la seule façon civilisée d'être triste. Quelques personnes veulent bien m'attribuer de l'humour, je ne sais pas si elles ont tort ou raison, mais il est certain que ça n'était pas un trait initial de ma nature, parce que lorsque j'étais tout jeune, j'avais horreur de la taquinerie et de la plaisanterie. Je ne comprenais pas la taquinerie. J'entrais dans des crises de rage quand des amis de mon père me taquinaient, somme toute d'une façon assez gentille. Et puis peu à peu, peut-être par réaction, je suis devenu moi-même taquin et j'ai apprécié l'humour. Même j'apprécie l'humour absurde, le comique excentrique, si vous voulez, au niveau d'Alphonse Allais, pour prendre un auteur classique dans le genre. Lui, ce n'était pas Raoul, elle, ce n'était pas Marguerite. Le confidois. Le confidois est un plat pour lequel j'ai un certain goût, mais pas une passion particulière. Julien Quin. Julien Quin, qui est l'oncle de ma femme, est un homme dont je suis très proche depuis longtemps. Je me considère un peu comme étant moi-même son parent. C'est un homme que j'admire et que d'ailleurs tout le monde admire. Tous ceux qui le connaissent en soit peu. C'est un des rares cas où l'on peut parler vraiment de ce terme d'admiration sans faire de coupe dans le personnage, puisque tout chez lui est essentiellement noble, élevé. Vous remarquerez sa conduite pendant la guerre, pendant la première guerre, engagé volontaire, officier d'infanterie, grièvement blessé. Dans la deuxième guerre, les Allemands viennent le chercher. Il peut s'en aller par un effet de panache qu'on admire quand même, bien que je l'avais conseillé de s'en aller. Il reste, il attend, il pouvait s'en aller, il avait 24 heures, il le ferait bien. Il est déporté. Il revient, toujours aussi courageux, aussi lucide, aussi souriant. Il est d'une culture très grande, d'une curiosité perpétuellement à l'éveil, d'une grande jeunesse d'esprit, malgré son âge. Et très souvent, je le rencontre, il me parle d'un sujet que je crois qu'il ne connaît pas, qu'il connaît moins que moi, et en quelques instants, il me donne une clé. Quand il me dit « Vous avez bien fait, votre article est bon », je suis content. Quand il me dit « Mais pourquoi prenez-vous cette position ? Je ne comprends pas très bien. » Signal d'alarme. La poésie. J'ai beaucoup aimé la poésie, je m'y suis livré. Je me suis livré dans ma jeunesse. Et encore, quelquefois, il m'arrive, pas en ce moment, enfin, il pourrait m'arriver de m'y livrer. Et je n'ai cependant pas suivi la pente qui consiste à publier un livre de vers. J'en aurais eu la matière, mais j'avais assez d'esprit critique pour comprendre que mes vers n'enrichissaient pas la poésie. Je n'ai qu'un poème de moi qui a été publié. Il a été dans une revue tunisienne. Parce que pendant la guerre, j'avais composé ce poème pendant que j'étais bloqué à Hammamet, en Tunisie, avant l'arrivée des troupes alliées. J'avais écrit ce poème, et quand je suis revenu à Hammamet, il y a quelques années, sur une invitation du gouvernement tunisien, j'avais visité la Tunisie, je suis allé un soir à Hammamet, j'ai été reçu par la municipalité, enfin les notables. Et là, j'avais un discours à faire, en quelque sorte, tout d'un coup, je leur ai dit... Ici à Hammamet, j'ai des souvenirs, j'ai laissé peut-être un peu de mon cœur, puisque j'ai vécu cette période si curieuse de la guerre, de la bataille décisive, et je vais vous réciter mon poème. Alors les Tunisiens ont voulu à tout prix que je leur en reconstitue le texte, car je ne l'avais pas écrit, je l'ai reconstitué, et ils l'ont publié dans une revue. Vous vous en souvenez de ce texte ? Oui, je m'en souviens, je peux le reconstituer. Oui. Le vent souffle et ma chance. Reverrai-je la France, et le matin durci dans le gel des Pyrénées, et la baguette d'or au doigt parcheminée de la fée Beauceronne. Reverrai-je l'automne à Paris, le printemps à Nemours, le Grand Prix à Deauville, et partout mon passé, poudreux comme ce sable, et comme lui, crissé. Le vent tourne et ma chance. reverrai-je la France. Mais oublierai-je alors l'enchantement d'ici? Consolerai-je mon cœur d'avoir perdu son angoisse et l'obsédant souci d'un midi monotone au ciel de la Bonasse? Tout ce que j'ai appris à aimer sous la lumière éclatante de septembre se fermera comme un collier d'ambre autour de mes rêves accalmés. Et se peut-il que cela dure, et se peut-il que cela cesse, cette caresse immobile de la nature, et l'extase vide où l'on guette, par-delà la prison naïve des raquettes, l'heure du flamboiement hâtif des cipriers, et l'obsession des chameaux en prière, qui semble grimacer la génuflexion de notre divine confiance. Mais quelle est la forme de votre mémoire? Vous avez une mémoire extraordinaire. C'est la forme sélective. Je retiens aisément ce que je trouve bon. Le rêve. Le rêve, je rêve beaucoup, très souvent, avec une très grande acuité. Mais toujours, cependant, dans les moments les plus terrifiants, quand cela m'arrive d'avoir des rêves qu'ils soient, avec tout de même cette réserve que malgré tout, je me dis, c'est tout de même qu'un rêve, ne soyons pas trop inquiets. Voilà quelle forme prend le rêve chez moi. Mais autrement, je rêve très souvent. La drogue. La drogue m'est inconnue, je n'en ai jamais usé. J'ai essayé une fois de fumer l'opium, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que c'était dans un endroit où il y avait une fumerie, c'était par curiosité. Mais bien que je sois fumeur de pipe, ou peut-être pour cela, je ne suis pas arrivé à le fumer convenablement, et comme je ne tenais pas à pousser l'expérience très loin, je m'en suis tenu là. Je suis très hostile à la drogue parce que j'ai une sorte de répugnance extraordinaire à tout ce qui peut modifier le mécanisme normal de ma pensée. De sorte que j'avais pris quelquefois, dans le temps, sous l'impression de la fatigue ou pour pouvoir tenir le coup, des produits pourtant admis, si je puis dire, qui ne sont pas considérés comme des drogues, comme le Maxiton ou l'orthédrine. J'en ai pris deux ou trois fois, j'ai renoncé. Parce que je me suis dit, c'est pas moi qui parle, c'est le Maxiton, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je suis personnellement, je ne dis pas que c'est un jugement moral de ma part, je suis personnellement horrifié par l'idée de quelque chose qui pourrait modifier mon concept. Si étrange que cela paraisse, je n'ai pas cette prévention à l'égard de l'alcool. Si je bois beaucoup, je risque d'être sous, mais ma conception des choses n'est pas modifiée. Je ne deviens pas étranger à moi-même. Je me maintiens dans mon identité, sauf qu'elle est quelque peu embrumée. Encore que j'arrive rarement, je dois dire, jusqu'à un point de perdre conscience. La participation. La participation, c'est le mot-clé. On pourra en trouver d'autres parce qu'il paraît que les mots s'usent quand on les a beaucoup employés. Mais nomina numina, n'est-ce pas? Ce qui importe, c'est justement le fait de la participation. Et regardez, au Japon, oui, ce mot n'existe pas dans la langue japonaise. Ils emploient le mot français de participation pour désigner justement ce que le général de Gaulle a découvert, enfin peut-être pas découvert, mais ce qu'il a mis en évidence. C'est le fait de n'être pas étranger aux choses, à son destin. L'inverse de l'aliénation, c'est la participation. C'est dans la mesure où on participe qu'on n'est pas étranger à soi-même, qu'on n'est pas aliéné. Le bonheur. Le bonheur. Voilà un problème, en effet, le bonheur. Cela me fait penser au mot de Colette, je crois. Il n'y a pas que le bonheur qui donne du prix à la vie. C'est une question de définition. Souvent, on a du bonheur une représentation au fond théorique, un peu comme le paradis dans la conception classique, la douce musique des anges, mais je crois que le bonheur c'est tout de même autre chose qu'une représentation systématique dans le sens de la facilité, de l'agrément, de la délectation. En réalité, je crois que le bonheur c'est la réalisation. C'est pas le bonheur consiste pour un être à réaliser ses virtualités. Si vous avez une passion qui vous emporte, c'est tout de même de réaliser cette passion dans la mesure où elle est conforme à votre nature profonde. Naturellement, cette explication pourrait aller jusqu'à dire que le bonheur se trouve dans un acte qui est contraire à la morale courante s'il est la réalisation d'un être. Voilà justement d'ailleurs le problème. Il est certain qu'il y trouve peut-être son bonheur. Mais sa nature lui inspire peut-être même des réserves inconscientes, de sorte que ce n'est pas en réalité le bonheur. Je crois que le bonheur, c'est la réalisation, et c'est la réalisation, alors, pour rechercher une définition, mais évidemment c'est une vue qui me sera personnelle, la réalisation de la personne dans la coïncidence entre la personne et l'homme de l'espèce, que les Allemands appellent Gattungsmensch, du moins Telemetheorie, n'est-ce pas, l'homme doit s'assumer comme être individuel, mais comme être de l'espèce. Donc le bonheur doit se trouver dans une réalisation, dans une activation de la personnalité qui donne un plein débouché à ses virtualités, qui permettent même sa propre promotion, qui en même temps soit conforme au génie de l'espèce qui existe dans chaque individu. La cybernétique. La cybernétique, c'est une nouvelle dimension de la vie qui est très considérable. Il faut que nous adoptions au grand changement que cela propose, au fait que, en somme, la cybernétique, c'est l'équivalent pour l'être humain d'un changement organique, biogénétique, qu'il n'a pas traversé. Auparavant, le progrès se faisait d'une espèce à l'autre par des changements, des organes. Et maintenant, il se fait sans changement d'organes, par l'apparition d'organes extérieurs. D'ailleurs, il n'y a pas que la cybernétique. Le premier était la bibliothèque, l'automobile. Maintenant, alors, la cybernétique, après la machine qui exécutait, il y a eu la machine à calculer, et puis maintenant, il y a la machine qui pense. Et c'est la machine qui pense dans la partie rationnelle de la pensée. Nous ne savons pas si un jour il n'y aura pas tout de même une machine qui pourra elle-même faire de la créativité. Enfin, pour l'instant, l'homme se tient sur son domaine, qui est la créativité, le choix, l'option, l'affectivité. Et la machine, peu à peu, absorbe l'énergie mentale purement rationnelle et calculatrice, comme jadis la machine d'exécution a absorbé et substitué l'énergie physique de l'homme. Il se peut donc que le phénomène soit le même, que l'homme, craignant d'être dépossédé par la machine, en réalité trouve, en se déchargeant sur la machine de tout ce qu'il n'est pas obligé de faire lui-même, une manière d'approfondir davantage son domaine le plus profond, son domaine le plus considérable, son domaine propre, son domaine éminent, si je puis dire, puisque je suis historien, en reprenant un terme de l'ancien temps. La radio et la télévision. La radio et la télévision sont des institutions que j'apprécie beaucoup, dont je ne profite pas autant que d'autres personnes, parce que la télévision, je ne la regarde en principe quand je suis dans la campagne. À Paris, je suis trop occupé, le soir j'ai du travail, des sorties, je suis moins bien installé, tandis qu'à la campagne, j'ai la télévision dans mon bureau avec un bon fauteuil. D'autre part, la radio, pratiquement, je l'entends que dans ma voiture. Donc cela dépend des périodes dans lesquelles je circule beaucoup, ou des périodes dans lesquelles je circule peu. Je n'écoute pas la radio chez moi. C'est une vieille habitude, peut-être de travail solitaire, également du fait que ma femme n'aime pas le bruit. À un moment, quelquefois, j'étais couché le soir, quand j'étais pas couché trop tard, j'ouvrais la radio. Et ma femme me disait, comment peux-tu supporter de lire et de travailler avec la radio? Je lui disais, écoute, je fais du droit romain en russe, et la radio ne me dérange pas. Mais finalement, c'est elle qui l'a emporté, de sorte que la radio ne marche pas. Enfin, je l'écoute quand même. Il y a de très bonnes émissions. L'essentiel. L'essentiel. Nous ne le saurons qu'au dernier jour, je pense. L'essentiel. Après la définition que vous donnez du bonheur, on pourrait peut-être fixer l'essentiel sur la même définition. Enfin, nous découvrons tous les jours quelque chose qui nous fait apparaître l'essentiel ailleurs que là où nous le placions. La mort. Qu'en dire? Comme disait Montaigne, il y a deux choses qu'on ne peut pas regarder en face, le soleil et la mort. Je vous ai parlé du soleil, je m'entends pas vous parler de la mort. Dieu. Je pense que Dieu est une affaire de conviction intime. Il est difficile, peut-être, de répondre à l'interview là-dessus. Ma situation est la suivante. Après des variations, après avoir abandonné la foi et toute pratique, après l'avoir reprise, je me suis arrêté sur une sorte de compromis avec moi-même. Et je ne la mets pas en question. Je considère que j'appartiens à l'Église catholique, donc je suis de l'Église catholique, sans être naturellement un champion de pratique ou un donneur de leçons, ou même quelqu'un qui soit en état de proposer l'exemple de sa vie religieuse, car je ne pense pas que la mienne soit particulièrement dense. Et en somme, pour vous donner à peu près d'une façon simple, qui m'évitera beaucoup de raisonnement, quelle serait ma tendance? C'est un peu une tendance théyardienne, si vous voulez. Je me suis installé dans une sorte de compromis théyardien, à partir duquel je considère que je demeure attaché à l'Église catholique, mais dans un certain esprit qui ne peut pas être mieux défini que par cet évolutionnisme, cette recherche un peu théilhardienne, c'est cette conception-là qui me convient. Comme jusqu'ici, bien qu'elle ne soit pas toujours recommandée, elle n'a pas été condamnée, donc je suis parfaitement confortable dans cette position. Dernière question, Monsieur le Président, la politique. La politique, on peut appliquer ce terme à un certain nombre de choses différentes. Je suis d'accord, d'avis, de lui garder son sens principal, étymologique et plénier, c'est-à-dire ce qui touche à la cité, au gouvernement de la cité, c'est-à-dire à l'homme en tant que société, à l'homme social. Le reste, on peut parler de la politique des partis, de la politique de combinaison, de la politique politicienne. Je crois d'ailleurs que depuis longtemps, nous ne sommes plus dans l'époque de la politique politicienne. C'est ce que j'ai essayé d'écrire d'ailleurs déjà dans Prévoir le présent, avant de le développer plus longuement dans L'âme du combat. La politique, c'est nécessairement une option pour chacun, car il faut avoir une conception politique, donc une conception de la cité. Mais naturellement, ce n'est pas une activité pour tout le monde. Quoique nous assistons au phénomène que Burdeau appelait la généralisation de la politique, parce qu'à partir du moment où la politique ne consiste pas simplement à remplacer un gouvernement par un autre, mais où la politique branche sur la vie, où elle est la question de savoir comment les villes et les campagnes seront réparties, comment les hommes habiteront, comment ils feront vivre leur foyer, comment ils assureront leurs loisirs, comment ils se formeront, comment ils formeront les enfants, comment ils recycleront les adultes, comment ils pourront produire et comment ils pourront vivre dans les longues périodes où ils ne produisent pas, c'est ça la politique. Alors, c'est l'affaire de tous, mais chacun peut avoir des postes différents. C'était Edgar Faure au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 18 janvier 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.